Situation 3. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, un spectacle unique. Ouvrez bien grand vos yeux et applaudissez Zoko, le meilleur acrobate du monde.